1er janvier 1896. J'ai enfin reçu hier au soir les lettres d'octobre et de novembre. Toujours rien, la vérité n'est pas encore découverte. Mais aussi quelle douleur j'ai causée à Lucie par mes dernières lettres. Comme je lui arrache l'âme par mon impatience. Et la sienne est cependant aussi grande que la mienne. Voici quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus le 1er janvier 1896. Paris, 10 octobre 1895. Ce courrier, mon cher mari, ne m'a apporté qu'une seule lettre de toi. Celle que tu m'as écrite le 5 août ne m'est pas parvenue. Comme toujours, ces chères lignes écrites de ta main, la seule manifestation que j'ai de ton existence, viennent me réconforter. Ton courage ravive le mien. Ton énergie me donne des forces pour supporter la lutte. Paris, 15 octobre 1895. Cette date me rappelle de si pénibles souvenirs que je ne puis me passer de venir un moment auprès de toi. Je me sens mieux, et il me semble que je te fais du bien à toi aussi. Je ne veux plus te reparler de ces horribles journées que nous avons supportées, chacun souffrant de son côté. Il vaut mieux ne plus y penser, la plaie est toujours ouverte, et il est inutile de la rendre plus cuisante encore. Mais je veux te dire que nous sommes pleins de confiance et d'espoir, que notre volonté d'arriver nous fera triompher des obstacles, et que nous aurons enfin raison des misérables qui ont commis ce crime infâme. Paris, 25 octobre 1895. Les mois sont longs lorsqu'on souffre aussi cruellement. Ils se ressemblent tous par leur monotonie, leur tristesse. Voici un nouveau courrier comme les précédents. Il t'apportera des paroles d'espoir et l'écho de notre immense affection. L'attente est longue et atroce, mais compte sur nous, elle ne sera pas vaine. Paris, 10 novembre 1895. Je lis et relis la seule lettre que j'ai de toi, la seule que ce courrier m'a remise et que je viens de recevoir seulement ce matin. C'est bien peu, mais je suis encore trop heureuse de posséder ce pauvre petit écho de ta personne chérie. Je ne doute pas que tu sois venue souvent causer avec moi, si pénible que cela puisse être d'écrire, ne pouvant rien me dire, et t'abstenant de déverser ton cœur de crainte de me faire trop mal. Pourquoi ne pas me remettre ces lettres qui sont ma seule consolation? Pourquoi rendre encore plus pénible la situation de deux êtres déjà si malheureux? Nos petits Pierre et Jeanne continuent à être de bons et braves enfants pleins de cœur, aimables pour tout le monde. Ils ont bonne mine tous deux, deviennent de jour en jour plus grands et plus forts. Quel bonheur ce sera pour toi quand nous aurons enfin fait connaître la vérité, de tenir dans tes bras ces chers petits êtres que tu aimes tant, pour qui tu souffres si cruellement, et qui te rendront par leur affection la vie heureuse et douce. Paris, 25 novembre 1895, minuit. Je dois remettre les lettres demain matin pour qu'elles prennent le bateau du 9 décembre, et malgré l'heure avancée de la nuit, je ne puis m'empêcher de venir causer encore une fois avec toi. C'est pour moi un déchirement que de laisser partir ces lignes inanimées, banales et froides qui sont si loin de répondre à ma pensée, à ma tendresse, à mon affection. Je ne peux t'exprimer ce que je ressens pour toi. Le sentiment est trop violent pour que je puisse le décrire. Mais il me semble que je ne suis plus qu'une partie de moi-même. Mon âme, mon cœur sont là-bas, dans ces îles lointaines, auprès de toi, mon mari bien-aimé. Ma pensée, nuit et jour, est avec toi. Cela m'aide à vivre et m'est un puissant soutien. Lucie. Suite de mon journal, 8 janvier 1896. Les journées, les nuits s'écoulent terribles, monotones, d'une longueur qui n'en finit pas. Le jour, j'attends avec impatience la nuit, espérant goûter quelque repos dans le sommeil. La nuit, j'attends avec non moins d'impatience le jour, espérant calmer mes nerfs par un peu d'activité. En lisant et relisant toutes les lettres de ce dernier courrier, j'ai compris combien ma disparition serait un choc terrible pour les miens, que mon devoir, envers et contre tout, était de résister jusqu'à mon dernier souffle. 12 janvier 1896. Réponse de Monsieur le Président de la République à la supplique que je lui ai adressée le 5 octobre 1895. Repoussé, sans commentaire. 24 janvier 1896. Je n'ai plus rien à ajouter. Les heures se ressemblent dans l'attente angoissante et énervante d'un meilleur lendemain. 27 janvier 1896. J'ai enfin reçu un colis sérieux de livres. Il m'est parvenu après de longs mois d'attente. J'arrive ainsi, en forçant ma pensée à se fixer, a donné quelques instants de repos à mon cerveau. Mais hélas, je ne puis plus lire longtemps, tant tout est ébranlé en moi. 2 février 1896. Le courrier venant de Cayenne est arrivé. Il n'y a pas de lettre pour moi. 12 février 1896. Je viens seulement de recevoir mon courrier, toujours rien. Et il faut que je lutte, que je résiste toujours. Quelques extraits de lettres de ma femme, reçues à cette date. Paris, 9 décembre 1895. Comme toujours, tes lettres attendues avec une vive anxiété m'ont causé une forte émotion, un rayon de bonheur, le seul instant de détente et de joie que j'ai depuis ces longs mois, ces journées lourdes et pénibles. Lorsque je lis ces lignes si pleines de volonté et d'énergie, je sens que ton être tout entier vibre avec moi. Ton activité morale entretient mes forces, et il me semble qu'elles sont doublées par la puissance de ta volonté. Paris, 19 décembre 1895. L'année dernière, à cette date, nous espérions être arrivés à la fin de notre calvaire. Nous avions mis notre confiance entière dans la justice. L'abominable erreur qui a été commise nous a remplis de stupeur. Une année entière s'est passée dans les plus atroces souffrances, tant par la blessure indigne qu'on nous a faite que pour la vie cruelle à laquelle tu es exposé physiquement et moralement. Paris, 25 décembre 1895. Je ne puis m'empêcher avant le départ du courrier de venir encore une fois causer avec toi. Ce sont toujours les mêmes choses que je redis, mais qu'importe, je te parle. Je me rapproche de toi pendant un instant et cela me fait du bien. Je ne t'ai pour ainsi dire pas parlé des enfants, et ce sont cependant eux qui nous rattachent à la vie. C'est pour ces pauvres petits que nous supportons cette situation intolérable. Et Dieu merci, ne s'en doute pas. Tout est joie pour eux. Ils chantent, ils rient, ils bavardent, ils animent la maison. Lucie. Suite de mon journal, 28 février 1896. Plus rien à lire, journée et nuit, tout se ressemble. Je n'ouvre jamais la bouche, je ne demande même plus rien. Mes conversations se bornaient à demander si le courrier était arrivé ou non. Mais on m'interdit de parler, ou du moins, ce qui est la même chose, on interdit aux surveillants de répondre à des questions si banales, aussi insignifiantes que celles que je faisais. Je voudrais bien vivre jusqu'au jour de la découverte de la vérité, pour hurler ma douleur, les supplices qu'on m'inflige. 3 mars, 6 heures, soir. Le courrier venant de Cayenne est arrivé ce matin à 9 heures. Ai-je des lettres ? 4 mars 1896. Pas de lettres. Quel supplice atroce, trop souvent renouvelé. 8 mars 1896. Journée lugubre. Tout m'est interdit, le tête-à-tête perpétuel avec mes pensées. 9 mars 1896. J'ai vu arriver ce matin de très bonne heure le canot du commandant du pénitencier. Était-ce enfin quelque chose pour moi ? Hélas, ce n'était rien. Une simple visite de logement. Je ne vis plus que par une tension inouïe des nerfs, de la volonté, dans l'attente anxieuse de la fin de ces tortures sans nom. 12 mars 1896. Je viens de recevoir enfin mon courrier, toujours rien, hélas. Extrait des lettres de ma femme reçues à cette date, Paris, 1er janvier 1896. Cette journée du 1er janvier est encore plus longue, plus pénible. Pourquoi, je me le demande. Les raisons de souffrir sont les mêmes, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Tant que ton innocence ne sera pas reconnue, le poids qui nous oppresse est trop lourd pour que nous puissions prendre part à la vie extérieure et faire une différence entre les jours, quels qu'ils soient. Et cependant, nous sommes sous une impression plus triste encore. Sans doute cela tient à ce que ces journées, chez des êtres qui s'aiment tendrement, sont des moments de très grand bonheur, de très grande joie. Et nous, si malheureux, si cruellement atteints, nous éprouvons plus vivement encore le besoin de nous rapprocher, de nous soutenir et de maintenir nos forces par une solide affection. Paris, 7 janvier 1896. Je viens de recevoir tes lettres. Comme toujours, elles m'ont remué jusqu'au plus profond de l'âme. Ma joie et mon émotion sont intenses lorsque j'aperçois ta chère écriture, lorsque je me pénètre de ta pensée. Tes lettres montrent une grande énergie, mais comme je sens percer ton impatience et comme je la comprends, comment pourrait-il en être autrement? Livré à toi-même dans un isolement complet, rongé continuellement par des angoisses atroces, ne connaissant rien de l'infamie commise et qui nous rend si malheureux, arraché à tous les tiens en plein bonheur, la situation est certes la plus épouvantable qui puisse exister. Lucie. À la dernière lettre du courrier du mois de janvier, était jointe les lignes suivantes de mon frère. Mon cher frère, oui, comme tu le dis dans ta lettre du 20 novembre, toute ma volonté, toute mon intelligence sont tendues vers un seul but. Découvrir la vérité, nous y arriverons. Je ne puis que me répéter jusqu'au jour où je pourrai te dire « La vérité est connue, la lumière est faite, mais il faut que tu vives jusqu'à ce jour. Il faut que tu tendes toutes les forces de ton être pour résister à tes tortures morales et physiques. Et ce n'est pas au-dessus de ton courage. » Mathieu. Suite de mon journal, 15 mars 1896, 4 heures du matin. Impossible de dormir. Ma tête est horriblement fatiguée par cette terrible inactivité physique et intellectuelle. Les envois de livres que Lucie m'annonçait dans ses 3 derniers courriers ne me sont pas encore parvenus. D'ailleurs, mon cerveau est si fatigué, si ébranlé, qu'il m'est impossible de lire pendant un long temps. Cependant, ces quelques instants où je puis échapper à mes pensées me procurent un léger soulagement. 27 mars 1896. Je viens enfin de recevoir l'envoi de livres que comportait l'expédition faite le 25 novembre 1895. 5 avril 1896. Le courrier du mois de février vient de me parvenir. Le coupable n'est toujours pas démasqué. Quelles que soient mes souffrances, il faut que la lumière se fasse. Donc, arrière toutes les plaintes. Extrait des lettres de ma femme reçues le 5 avril. Paris, 11 février 1896. Je n'ai pas encore reçu tes lettres du mois de décembre. Je ne me plaindrai pas des tortures que me fait endurer ce retard, c'est inutile. Personne ne peut comprendre à quel point les souffrances causées par l'inquiétude sont vives. Il n'y a rien de plus atroce que d'être privé des nouvelles d'un être que l'on sait très malheureux et dont la vie m'est 100 fois plus chère que la mienne propre. Souvent, dans mes heures de calme, je me demande pourquoi nous sommes si éprouvés, pour quelle raison nous sommes appelés à supporter un supplice à côté duquel la mort serait douce. Paris, 18 février 1896. Je suis toujours sans nouvelles de toi. Cependant, je sais que les lettres que tu m'as écrites sont au ministère depuis plus de 3 semaines. Je suis bien impatient de les avoir et de recevoir enfin ma consolation de chaque mois. Chaque retard apporté dans le courrier me cause de pénibles émotions. Paris, 25 février 1896. À l'instant même où je terminais ma dernière lettre, pour le départ du courrier, on m'apporte enfin tes lettres. Merci de tout cœur de ton admirable fermeté. Des lignes si rassurantes que tu m'envoies. Lucie.